J'aurais pu vivre comme eux. J'aurais pu continuer la route qui m'était proposée, me laisser aller. J'aurais pu me forcer à être celui qui je ne suis pas. J'aurais pu abandonner la réalité. J'aurais pu ne vivre que pour moi ou bien pour mon statut. Oui, j'aurais pu ne rien dire et te laisser continuer. J'aurais pu comme un imbécile et j'aurais pu même être heureux. J'aurais pu te laisser continuer comme un imbécile, même être heureux. Mais heureux ne pas m'occuper de ces êtres. J'aurais pu laisser ce que j'aurais dû à l'abandon. Profiter à fond. Ce n'est pas l'argent au fond qui a corrompu les êtres. Non, j'aurais pu, c'était le profit, l'avarice. J'aurais dû vivre comme vous. Ça aurait été bien, ça aurait été simple. J'aurais été heureux. Mais à la fin, j'ai regretté de savoir de n'avoir rien fait. J'aurais dû même un renard crever sur la route, ne pas le laisser, au moins le mettre dans le fossé. Un peu de dignité, j'aurais pu m'en foutre, continuer sans me retourner. J'aurais pu m'en foutre 5 minutes pour changer ton point de vue. 5 minutes pourrait sonner. 5 minutes, j'aurais pu vivre comme vous. J'aurais pu 5 minutes pour changer ton point de vue. 5 minutes pour raisonner. J'aurais pu.